pour rien bas au comptoir. On y voit des yeux noirs comme le soir. On l'appelle Dani, toutes les femmes sont folles de lui. Et quand vient la nuit, on entend dans le bruit comme un cri. Oh Dani, oh mon Dani, on s'aimera toutes les nuits. Oh Dani, oh mon Dani. Noir de ses cheveux tout bouclés. Dani est mon ami et je n'aime que lui toutes les nuits. Oh Dani, oh mon Dani, on s'aimera toute la nuit. Oh Dani, viens dans mon lit.